L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Folk-en-Boeuf vous invite au mois d'août à venir danser, que ce soit au parc Richard Pouille à la Pépinière, à l'occasion de ces bals boeufs. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, vous avez déjà l'habitude de l'écouter sur Fadjet puisqu'elle anime tous les lundis soirs à 21h l'émission La face cachée du folk, c'est bien ça? Ah oui, c'est tout à fait ça, avec des interviews magnifiques évidemment pour vous faire découvrir en fait toutes les faces, pas seulement le côté musicien ou danse, mais également organisateur, diffuseur, producteur de musique, alors essentiellement traditionnelle, mais comme la musique traditionnelle est fortement imprégnée de tout plein d'autres univers musicaux, on fait le lien avec du jazz, de la musique classique, de la musique, on va dire, plus actuelle. Voilà, c'est très diversifié. On peut te retrouver pendant tout le mois d'août et pendant toute une saison le lundi à 21h. Et donc pendant ce mois d'août, avec l'association Folk-en-Boeuf. On va revenir sur ce qui se passe en août avec les bals boeufs. Un mot sur l'association Folk-en-Boeuf qui a 3 ans maintenant, qui va avoir 3 ans ou 4 ans? Oui, je crois qu'on l'a créée en fin d'été 2014. On avait déjà commencé une petite activité auparavant. En fait, l'idée, c'était de proposer un moment pour se retrouver autour de danse et de musique, de bal folk, que certains connaissent peut-être déjà, mais c'était aussi trouver des occasions de les faire connaître au plus grand public. En l'occurrence, de proposer des animations aujourd'hui dans des espaces comme la Pépinière ou le parc Richard Pouille. Nous sommes tous les étés depuis donc 2014, je crois. Donc ça va être la 4e année au parc Richard Pouille dans le cadre du partenariat que nous avons avec la mairie de Vendeuvre puisque l'association Folk-en-Boeuf est hébergée à Vendeuvre. On a également eu pendant 3 ans des boeufs mensuels, voire bimensuels, enfin plusieurs événements pour également se retrouver tout au long de l'année. Alors j'ai pas expliqué ce que c'était qu'un boeuf, ni on a commencé à évoquer les univers du folk, mais déjà le principe du boeuf en fait, c'est que des musiciens peuvent venir de tous horizons, peuvent se pointer le jour J et jouer avec les autres musiciens, en fait sur un répertoire qui va être commun, mais qu'on peut aussi apprendre sur le tas. Les musiciens qui ont déjà un petit peu d'expérience et qui sont habitués surtout à apprendre d'oreille sont tout à fait les bienvenus pour se joindre à ces groupes de musiciens et qui nous proposent en fait de la musique à danser. La seule chose dont on est sûr, c'est le jour et l'heure. Et après, sur celles et ceux qui seront là pour jouer et pour danser, c'est ouvert à tout le monde. C'est tout à fait ça. Alors le lieu également, ça c'est... Le lieu est sûr aussi, exactement. J'ai cité la Pépinière et le parc Richard Pouille, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. Enfin, pour l'été 2017, on se retrouve à 8 occasions, 4 à la Pépinière et 4 au parc Richard Pouille de Vendeuvre. Ça se passe certains samedis à la Pépinière, à Nancy. Et certains jeudis au parc Richard Pouille à Vendeuvre. En fait, dans le bas du parc, à côté du parc des sports de Vendeuvre, il y a un parquet avec une scène qui sont installés pour les concerts d'été que propose la mairie de Vendeuvre et dont l'association Folk-en-Boeuf profite pour proposer ces bals qui sont ouverts à tous. Donc les passants sont évidemment intrigués, s'arrêtent. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent également. C'est également, on n'a pas dit, mais c'est ouvert à tous âges. Du moment qu'on a envie de bouger un petit peu. Les pas en fait des danses folk sont très simples et vraiment on invite tout le monde à se joindre à nous, à essayer d'apprendre en regardant, c'est comme ça que ça se passe, la tradition orale, on regarde, on écoute, et également toutes les personnes qui sont plus habituées vous inviteront, vous expliqueront un petit peu les pas également. On l'a déjà proposé plusieurs fois, bon ça c'est pas encore complètement concrétisé, mais si des personnes connaissent des danses et veulent nous les montrer, alors évidemment s'il y a un petit instrument et que on peut nous faire la mélodie également, voilà, c'est une initiative tout à fait bienvenue. Alors pour les bals boeufs du mois d'août, en règle générale, comme vous êtes sur plusieurs lieux, vers quelle heure on peut vous retrouver et sur quel lieu, quelle adresse? On se retrouve à Nancy des samedis, en l'occurrence il y aura le samedi 5 août et le samedi 19 août, à partir de 19h jusqu'à 22h, puisque ça se passe à la Pépinière et que la Pépinière est fermée à 10h30, donc le temps de ranger, etc., le bal doit s'arrêter à 10h. Plus précisément, le parquet est installé entre la terrasse de la brasserie et l'auditorium. Ensuite, on se retrouve également à Vendeuvre à 20h, de 20h à 23h, les jeudis 10 août et jeudi 24 août. Voilà, ça, tout ça, c'est sous condition qu'il ne fasse pas trop mauvais, que d'accord. les parcs ne soient pas fermés. Et là, vous serez sur le parc Richard Pouille. Tout à fait, le parc, au niveau du parquet, la scène qui sont installées à proximité du parc des sports, dans le bas, en fait, du parc Richard Pouille. Merci à Sophie. Retrouvez toutes les infos pratiques concernant les balles-boeufs du mois d'août sur leur page Facebook Folk en Boeuf. Des coordonnées que vous retrouverez sur notre site internet fadjet.net, rubrique Actu à Nancy et ailleurs. L'actu associative, des idées de sortie, l'info proche de chez vous, c'est aussi sur Fadjet.